بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On commence aujourd'hui donc le cours 110 dans l'explication du livre de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah al-Furqan بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. Et on est toujours donc dans l'explication maintenant de la partie où le Cheikh il mentionne certains termes. On avait expliqué dans les chapitres précédents la différence entre al-iradatul kawniya wa al-iradatul shar'iya. Et le cheikh, il explique qu'il y a d'autres termes qui se rattachent à cette division-là aussi. Et il mentionne al-amr wal-qada wal-idhn. Donc il y a al-amr al-kawni wa al-amr al-shar'i. Al-idhn al-kawni wa al-idhn al-shar'i. Al-tahrim al-kawni wa al-tahrim al-shar'i. Donc on va expliquer tous ces termes-là, il explique et donne des exemples de chaque catégorie. Et là, on est arrivé au deuxième terme qui est al-amr. Donc ici, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah, il dit: wa amma al-amru faqala fi al-amr al-kawni innama qawluna li shay'in idha aradnahu an naqula lahu kun fayakun. Aina wa qala ta'ala وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر وقال تعالى أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس وأما الأمر الديني فقال تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. Et il mentionne d'autres, mais on va commencer par ces versets-là, inshallah. Donc, pour commencer, en ce qui concerne l'amr, il y a l'amr al-kawni et il y a l'amr shar'i. L'amr al-kawni, on a expliqué que qu'est-ce qui est kawni, c'est ce qui est relié avec la création et la prédestination. Et qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala ordonne dans la création et par rapport à ce qu'il a créé et ce qu'il a prédestiné, on a expliqué que yani, il peut ordonner des choses qui sont parmi les choses qu'il a agréées, comme il peut ordonner également des choses parmi les choses qu'il n'a pas agréées dans la création et dans la prédestination. Et on a expliqué la raison de ça, c'est parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il fait les choses dans une sagesse. Et parfois, il peut ordonner quelque chose dans la création et dans la prédestination qui sont parmi les choses qu'il n'aime pas, et il les a ordonnées ces choses-là dans le but de tester et d'éprouver les créatures. Et on a mentionné des exemples de ça quand on a parlé de l'irada. Et pour l'amr, c'est la même chose. Hein? Et donc, il donne un exemple par rapport à ce qui est kawni ici. Innama qawluna li shay'in idha aradnahu an naqula lahu kun fayakun. C'est le verset 40 dans Sourate An-Nahl qui signifie que notre parole, lorsque nous voulons une chose, nous n'avons qu'à dire soit et elle est. Hein? On lui dit soit et elle est. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, par son commandement et par son ordre, il ordonne une chose en utilisant le verbe impératif « soit » et la chose est, hein, elle existe par son ordre. Et la chose que Allah subhanahu wa ta'ala ordonne d'exister ou ordonne d'être, ça peut faire partie des choses qu'il aime comme ça peut faire partie des choses qu'il n'aime pas. Parce qu'il n'y a rien qui existe excepté que c'est Allah qui l'a créé. Que ce soit bon ou que ce soit relativement mauvais par rapport à qu'est-ce que nous on constate ou qu'est-ce qu'on observe. Et c'est ça que le cheikh il explique ici. Maintenant, cheikh Al-Fawzan, il commente sur ce verset-là en disant: "Intahayna min al-iradati wa 'arafna al-amthila al-irada al-kawniyya wal-iradatu ash-shar'iyya ad-diniyya. Wal-amru minhu kawniyyun wa minhu shar'iyyun. La yata'akharu 'an amri Allah subhanahu wa ta'ala wa la yasta'si bal innahu yakun." ويوجد بمجرد أن يقول له كن هذا الأمر الكوني الذي لا يختلف مقتضاه وأما الأمر الشرعي فقد يتخلف مقتضاه وقد يتحقق أما الكوني فلا يتخلف أبدا إنما أمره إذا أردنا شيئا أن نقول له كن فيكون وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا لأن الله لا يأمر بالفسق شرعا وإنما يأمر به كونا يشاؤه كونا لحكمة منه سبحانه وتعالى. Donc il dit, le cheikh, on a terminé maintenant de parler de la volonté. Et on a expliqué qu'il y avait la volonté d'Allah dans la création et dans la prédestination, et la volonté d'Allah dans la législation et dans la religion. Et il a expliqué que le commandement et l'ordre, c'est la même chose. Il y a l'ordre d'Allah qui est dans sa création et dans sa prédestination, et il y a l'ordre d'Allah dans la législation et dans la révélation. Et l'ordre d'Allah dans la création, eh bien, il ne peut pas, cet ordre-là, une fois qu'il le donne, il peut pas y avoir de retard, hein? Il ne peut pas y avoir de contradiction ou d'opposition ou de désobéissance. Lorsqu'il dit une chose, il n'a qu'à lui dire d'être et elle est, automatiquement. Il n'y a pas de retard et il n'y a pas de possibilité de désobéissance ou yani de contradiction yani en quoi que ce soit. Tandis que dans l'ordre législatif et l'ordre religieux, eh bien, c'est possible que Allah subhanahu wa ta'ala ordonne quelque chose et que cette chose-là ne soit pas appliquée ou mise en application. Par exemple, Allah il a ordonné aux créatures, à toute l'humanité, de faire la salat, de croire en Allah, de faire le jeûne, de faire le hajj. Il a ordonné ça à toute l'humanité. Pourtant, est-ce que toute l'humanité croit? Est-ce que toute l'humanité fait la salat? Non. Donc ça, c'est al-amrul kawni, al-amrul shar'i, pardon. C'est l'ordre religieux. Tandis que l'ordre qui est kauni, yani, il ne peut pas y avoir de retard ou de désobéissance ou d'objection ou quoi que ce soit. Qu'est-ce qu'il ordonne est. Peu importe. Et c'est ça ce que le cheikh il mentionne. Il cite également les versets 82 dans Sourate Yassine, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie yani, son commandement, c'est uniquement de dire à une chose d'être. Hein? Il lui dit soit et elle est. Et dans le verset également 16 dans Sourate Al-Isra, lorsque nous voulons faire périr une cité, eh bien, nous ordonnons à ces gens, yani à ces gens extravagants, hein, les gens extravagants qui sont dans cette ville, de, alors ils font des désordres et de la désobéissance, et yani, à cause de ça, Allah subhanahu wa ta'ala établit. Yani, sa parole sur cette cité-là et il la détruit complètement. Hein? Donc c'est pour dire que ici l'ordre qui est mentionné hein, dans le verset, c'est l'ordre qui est kauni et non l'ordre shar'i parce que Allah subhanahu wa ta'ala n'ordonne pas le fisq, il n'ordonne pas la désobéissance et le péché dans la révélation. Il peut l'ordonner dans la création et dans la prédestination dans le but de faire établir une sagesse quelconque ou un but quelconque qui est bon à la fin, mais en apparence qui peut nous sembler contraire à ça. Mais on va lire la traduction telle qu'elle est mentionnée, parce que moi j'ai fait ma propre traduction là maintenant. La traduction, si on regarde dans la traduction, ça dit, et quand nous voulons détruire une cité, nous ordonnons à ces gens opulents. Ici, l'ordre, quand il dit nous ordonnons, hein, Amarna mutrafiha, ces gens opulents, c'est-à-dire les gens qui sont parmi cette population-là, qui sont extravagants, qui sont riches. Hein, Amarna mutrafiha. Allah subhanahu wa ta'ala leur ordonne. Quand il dit il leur ordonne, c'est pas l'ordre religieux ici. C'est pas l'ordre dans la révélation. C'est l'ordre dans le fait qu'il a ordonné à cette chose-là de se produire dans la prédestination et dans la création. C'est Allah qui a voulu que ça se passe comme ça. Il dit, mais au contraire, ils se livrent à la perversité. Ou bien ici, il y a une autre interprétation qui est mentionnée, c'est-à-dire, ils ordonnent à ces gens opulents d'obéir et eux, au contraire, ils se livrent à la désobéissance et à la perversité. Donc ça, c'est une autre interprétation aussi qui est possible. Et il dit, alors, la parole prononcée contre elle se réalise et nous la détruisons entièrement. Donc, il dit ici, donc, cher Al-Fawzan, il dit ça, c'est l'ordre dans la création et non pas dans la révélation, parce que dans la révélation, Allah n'ordonne que ce qui est bon. Il ne peut pas ordonner le péché ou ordonner la désobéissance ou quelque chose qu'il n'a pas agréé. Un autre exemple de ce qu'il a cité à ce sujet-là, c'est le verset 50 dans Sourate Al-Qamar. Et là, je vais me référer à la traduction pour traduire ce verset-là. Ok. Wa ma amruna illa wahidatun كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ. Il dit, et notre ordre est une seule parole. Il est prompt comme le clin d'œil, hein, comme un clin d'œil. Donc ça, c'est le commandement d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est kawni aussi dans la création. Un autre exemple aussi, c'est le verset 24 dans surat Yasin, dans surat Yunus, pardon, Yunus. Donc dans ce verset-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, notre ordre lui vient de nuit ou de jour. C'est alors que nous la rendrons toute moissonnée, comme s'il n'avait pas été florissante, comme si elle n'avait pas été florissante. Ainsi exposons-nous l'épreuve pour que des gens réfléchissent. C'est-à-dire, ici dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il parle de la terre qui s'est embellie de toutes sortes de parures, de fleurs, d'herbes et de toutes sortes de belles choses. Puis, il dit, ses habitants pensent qu'elle est à leur disposition. Si on regarde dans le verset, il dit, وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَيْنَامْ أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا. C'est ça le verset. Attention, on dirait le verset. أَيْنَامْ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ. Attends un instant. حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا. Donc c'est ça le début du verset qui nous aide à comprendre le verset au complet, qui dit yani que lorsque la terre est devenue embellie et qu'elle a pris ses parures et que ses habitants pensent qu'ils ont yani le contrôle sur cette création-là et sur ces choses-là. Ils pensent qu'elle est à leur entière disposition. Eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala dit, et notre ordre lui vient. Hein? Notre ordre lui vient nuit ou jour, ou de nuit ou de jour. Et c'est alors que nous la rendons comme si elle n'avait jamais fleuri auparavant. Donc, c'est ça qu'il dit ici. Ataha amruna laylan aw naharan faja'alnaha hasidan. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a détruit complètement. Comme si elle n'avait jamais fleuri auparavant. كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. C'est ainsi que nous détaillons nos versets pour des gens qui réfléchissent. Donc ça, c'est un verset qui parle ici encore une fois du commandement d'Allah qui est kawni, hein, qui est dans la création, qui est son commandement dans sa création et dans sa prédestination. Et le Cheikh Al-Fawzan, il clarifie ces deux versets là, il dit وهذا في غاية الساعة, hein, في هذا في قيام الساعة. إذا أمر الله بقيام الساعة لحظة كلمح بالبصر هل هناك أسرع من لمح البصر ليس هناك أسرع منه والله إذا أمر بوجود شيء خلق شيء إذا أراد بوجود شيء أو خلق شيء إنما هو كلمح البصر. Donc il dit ça, c'est l'ordre lorsque Allah va ordonner que l'heure du jugement soit établie. C'est quelque chose qui va se passer dans un clin d'œil. Hein? C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui est plus rapide que ça. Et il dit c'est comme ça que Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il veut que quelque chose existe ou lorsqu'il veut créer quelque chose, c'est comme un clin d'œil. Et il dit également par rapport à l'autre verset, إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَا إِنْ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مما يأكل الناس ولا نعم حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا يعني يسلط الله عليها شيئا يتلفها أتاها أمرنا يعني أمرنا الكوني القدري ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس يعني فذهب ما فيها من النبات والزخرف والزهر يعني في لحظة يعني ليلا أو نهارا تصبح كأن لم تغن بالأمس يعني فالأمر الكوني لا يختلف عنه مقتضاه ويوجد في الحال هذا أمر كوني. Donc il dit le cheikh, il reformule, il mentionne le verset au complet qu'on a lu tout à l'heure dans sourate Yunus, qui explique justement que Allah subhanahu wa ta'ala, il donne une parabole pour nous faire comprendre la réalité de la vie d'ici-bas. Et dans ce verset-là, il nous dit donc que la vie d'ici-bas, elle est comparable, yani, à une eau qu'il fait descendre du ciel. Et il dit, cette eau qui descend du ciel, elle se mélange à la végétation et à la terre, donc, c'est-à-dire, il fait tomber cette eau du ciel qui se mélange à la végétation de la terre et dont se nourrissent les hommes et les bêtes. Puis, lorsque la terre prend sa parure et s'embellit et que ses habitants pensent qu'elle est à leur entière position, notre ordre vient, hein, et de jour ou de nuit, c'est alors que nous la rendrons telle que, hein, il y en a de la paille, comme si elle n'avait jamais été florissante la veille. Et tout ça, donc, c'est pour dire que c'est le commandement d'Allah. Il fait qu'il y a quelque chose qui tombe sur cette végétation-là, qui la détruit complètement. Et ça, c'est l'ordre d'Allah qui est kauni. Et donc, tout ce qui était comme parure et comme fleur et comme autre chose qui était embellie et tout ce qui était joli et beau est détruit complètement en un instant. Et ça, c'est l'ordre d'Allah. Hein? C'est l'ordre d'Allah. Et ça peut venir comme de jour ou comme de nuit. Allah, s'il veut faire tomber le châtiment, tu ne peux pas savoir quand est-ce que ça va arriver, est-ce que c'est le jour ou la nuit. Et ça, c'est l'ordre qui est kauni, c'est-à-dire qui est relié à sa création et à sa prédestination. Et il ne peut pas y avoir de retard ou d'opposition, de désobéissance dans ça. Il dit, wa amma al-amru ad-dini, فقال تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. Donc ici, il donne un exemple de l'ordre d'Allah dans la religion et dans la révélation. Hein? Et il cite le verset 90 dans sourate An-Nahl. Donc on va lire la traduction de ce verset-là. C'est toi qui as fait ça, Hamad? Oh, mashallah. Hein? Tu es un bon constructeur. Fait des belles constructions, mashallah. Donc ici, il dit, certes, Allah commande l'équité, la bienfaisance et l'assistance aux proches, donc d'aider les proches. Et il interdit la turpitude, l'acte répréhensible et la rébellion. Et il vous exhorte afin que vous vous souveniez. Donc ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala n'ordonne que ce qui est bien, que ce qui est justice, que ce qui est bonté, que ce qui est bienveillance. Hein? Et tout ce qui est mauvais, il l'interdit. Et ça, c'est l'ordre qui est religieux et l'ordre révélé. Ici, le cheikh, il explique ce verset-là. Il dit, wa amma al-mithal al-amr ad-dini fa hadhihi al-aya inna Allah ya'muru bil-'adli wal-ihsani wa ita'i dhil-qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal-munkari wal-baghyi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun inna Allah ya'muru amran shar'iyyan diniyan bil-'adli wa huwa al-qist. العدل في القول والعدل في الحكم والعدل في كل شيء وهو عدم الجور العدل ضد الجور العدل هو القسط وإذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربى وزنوا بالقسطاس المستقيم فالعدل في كل شيء في المكاييل في الموازين وفي كل شيء الله أمر بالعدل في كل شيء ونهى عن الجور والظلم يأمر بالعدل والقصاص عدل منه والقصاص من القتلى والقصاص في الجروحات والأطراف والقصاص في الكلام أيضا كل هذا من العدل والإحسان فضل والإحسان فضل والعدل هذا هو الانتصاف من الظالم بمثل ظلمه فيقتص من القاتل ويقتص من الظالم والجائر بمثل ما اعتدى من غير زيادة في القصاص وأخذ الحق من المعتدي ولكن أفضل منه الإحسان وهو العفو قال عز وجل وجزاء سيئة سيئة مثلها وهذا قصاص وعدل فمن عفا وأصلح فأجره على الله القصاص عدل والعفو فضل والفضل أحسن وأفضل من العدل إن الله يأمر بالعدل وهو القصاص من المعتدين والإحسان وهو العفو من المعتدي والتسامح لأن هذا يجلب المودة. Donc on va traduire jusqu'ici et après on va continuer l'explication, inshallah. Donc ici, le cheikh, il explique que ça, c'est un exemple de l'ordre religieux. L'ordre religieux, c'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset, qu'on a lu le verset 90 dans Sourate An-Nahl, certes, Allah ordonne la justice, la bienveillance et l'assistance aux proches, hein, d'aider les proches, de donner aux proches. Et il interdit la turpitude, les actes répréhensibles et la transgression. Il vous exhorte pour que vous puissiez vous rappeler, hein, vous souvenir. Et certes, Allah subhanahu wa ta'ala, il a ordonné cela d'un ordre religieux, légiféré. Et il dit, le cheikh, que ça c'est, wa alaykoum salam wa rahmatullah, c'est l'ordre que Allah a donné et il a ordonné la justice. Et la justice, en arabe, on peut dire adl ou on peut dire qist. Les deux ont la même signification. Et il dit, le cheikh, que c'est la justice dans tout. Que ce soit dans les paroles, d'être juste dans nos paroles, d'être juste dans notre façon de juger, d'être juste dans toute chose en général. Et c'est le contraire de l'injustice. C'est le contraire de al-jawr. En arabe, on peut dire dhulm, injustice, dhulm, ou on peut dire aussi le mot jawr. Et jawr, ça veut dire aussi l'injustice. Donc, al-jawr et al-dhulm, ça veut dire l'injustice. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il interdit ça. Et il ordonne la justice, al-qist ou al-adl, qui sont des synonymes. D'accord? Et dans le verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit, فَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا. Si vous dites quelque chose, soyez juste. وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى. C'est-à-dire, même si c'est des proches. C'est-à-dire, même si tu vas témoigner contre tes proches parents, tu ne vas pas mentir parce que c'est tes proches, tu veux les protéger. Hein? Et que yani, tes proches, ils sont dans des ennuis ou des problèmes, ils ont fait des choses illégales, ou ils ont menti, ou ils ont volé, ou ils ont fait de l'injustice. Tu dis, ah, mais c'est mes proches, je ne peux pas dire la vérité, il faut que je mente pour eux, pour les protéger. Non. وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى. Même si c'est tes proches parents, tu dois dire la vérité contre eux. Même si eux, ils témoignent de quelque chose, par exemple, ils ont fait un crime, hein, contre quelqu'un qui n'est même pas musulman. Puis toi, tu dis, ah, mais ça, c'est mes parents, ils sont musulmans, puis eux, c'est des koufars. Je vais mentir pour que yani, c'est eux qui n'aient pas des problèmes ou bien pour qu'ils gagnent contre ces koufars. Non, tu es obligé de dire la vérité, même si c'est hein, en faveur de, même si c'est contre tes proches et même si c'est en faveur des koufars. Parce que l'islam ordonne la justice et l'islam interdit l'injustice. Peu importe contre qui, peu importe envers qui, hein, tu dois être juste. L'islam, c'est la religion de la justice. Et il dit... Wazinu bil qistas al mustaqim, hein? C'est-à-dire vous devez peser, si vous pesez avec une balance qui est droite, une balance qui est droite, c'est-à-dire une balance qui est équilibrée, qui est juste, une balance qui est juste, c'est-à-dire quand tu vas prendre, tu vends des choses, tu vends de la marchandise ou des choses, tu vas pas changer la vraie valeur des poids des choses pour gagner plus d'argent. Hein? Comme par exemple, tu vas dire, bon, au lieu d'ajuster la balance au vrai poids, je vais l'ajuster d'une façon que quand les gens vont peser, ça va être plus lourd que le vrai poids. Comme ça, moi, je vais faire plus d'argent parce que je vais vendre plus cher qu'est-ce que je vends. Le kilo, il va être moins que qu'est-ce qui est réellement un kilo, donc je vais vendre plus cher que qu'est-ce que ça coûte réellement. Donc ça, c'est de l'injustice, hein, volm, c'est de l'injustice. Et tu dois vendre au vrai poids et ne pas tricher dans la balance et ne pas tricher dans le poids, ne pas tricher dans les quantités, hein. Tu vends par exemple une quantité de grains ou une quantité de dattes. Et puis, tu écris sur la boîte 20 kilos, alors qu'en réalité, il y a juste 15 kilos dedans. Puis tu dis, oui, ça, c'est 20 kilos. Non, il n'y a pas 20 kilos dedans. Pourquoi tu mens? Hein, ça, c'est tricher. Ça, c'est de l'injustice. Ça, c'est interdit. Donc, dans tout, qu'est-ce qui a rapport avec toutes les choses dans la vie, dans l'islam, il faut être juste. Et Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné la justice en toutes choses et il a interdit l'injustice. Al-jawr wa al-dhulm. Et le cheikh, il dit aussi que ça comprend également al-qisas. Et al-qisas, c'est la justice. C'est quoi al-qisas? C'est lorsque quelqu'un, par exemple, il commet un crime contre quelqu'un, il tue quelqu'un. eh bien, la justice, c'est d'établir Al-Qisas. Al-Qisas, c'est yani, la rétribution qui est méritée pour quelqu'un qui a commis un crime, s'il a blessé quelqu'un ou s'il a tué quelqu'un, qu'il reçoit la même chose que ce que lui a fait aux autres. Donc, s'il a tué quelqu'un, la justice, c'est d'établir Al-Qisas. C'est-à-dire que lui aussi va être tué comme il a tué l'autre. Ça, c'est la justice. Donc, tu as tué, eh bien, dans ce cas-là, on va te juger. Et si on a trouvé que c'est toi le coupable, alors c'est toi aussi, toi, tu vas être tué comme tu as tué l'autre personne. Hein? Ça, c'est Al-Qisas. Donc, dans l'islam, il y a la peine de mort pour le crime, pour le meurtre. Oui, celui qui tue, il est tué. Ça, c'est la justice. Il n'y a pas une autre justice que ça. Tandis que si tu dis, quelqu'un, il a tué, on va le mettre en prison parce qu'il a tué. Là, il n'y a pas de justice. Il n'y a pas de justice parce que l'autre, il est mort maintenant. Donc, yani, le fait de mettre l'autre en prison, ce n'est pas égal. Ça ne correspond pas au crime qu'il a commis. Hein? Il n'y a pas eu de justice pour les proches de cette famille-là qui ont perdu un de leurs proches à cause de ça. Et le cheikh, il explique que ça, c'est al-adl. Ça, c'est la justice. Hein? C'est ça, la justice. Tandis qu'il y a aussi dans le verset al-ihsan. Et ça, c'est ce qui est mentionné en deuxième. Allah, il ordonne al-adl, qui est la justice, et al-ihsan aussi. Et al-ihsan, c'est quoi? C'est la bienveillance. Et il dit, c'est al-fadl. Hein? C'est-à-dire, c'est, yani, si on veut le traduire d'une certaine façon, on peut dire c'est la générosité, si on veut, de faire preuve de générosité plus que de la justice. C'est-à-dire, la justice, elle est ici, ça c'est la justice. Al-Fadl, c'est au-dessus. Al-Ihsan, c'est au-dessus. Pourquoi? Parce que dedans, il y a le pardon. Hein? Il y a l'excuse. Il y a la générosité envers l'autre. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu vas demander la justice lorsque un de tes proches il a été tué, tu demandes la justice, ça veut dire lui il va être tué aussi parce qu'il a commis une injustice, donc il doit être puni pour cette injustice-là et la punition doit être équivalente au crime qu'il a commis. Si c'est une blessure qu'il a causée, eh bien il va recevoir la même blessure ou la même catégorie de blessure. Mais il doit pas transgresser dans la punition. Si il donne plus que ce qu'il a fait, alors dans ce cas-là, il y a une injustice. Il faut que ce soit équivalent. Mais il dit, mais il y a quelque chose qui est mieux que la justice, c'est al-afou, le pardon, l'excuse de celui qui a fait le crime. Et c'est pour ça que dans l'islam, si par exemple quelqu'un est coupable d'un crime et il a tué quelqu'un de ta famille, eh bien si vous décidez de l'excuser, eh bien, dans ce cas-là, il n'aura pas de peine. Il ne va pas être exécuté. Parce que vous lui avez fait miséricorde. Vous l'avez pardonné pour ce crime-là. Donc, il ne va pas être exécuté, hein, malgré qu'il le mérite. Mais pourquoi? Parce que vous lui faites, hein, l'afou. Vous lui faites le pardon. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 40, dans Sourate Shura, وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا. C'est-à-dire la rétribution d'un mal, d'une mauvaise action, c'est une mauvaise action équivalente. Il dit, par contre, juste dans le verset qui suit, faman afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah. Par contre, si tu pardonnes et tu réformes, alors ta récompense va être, hein, va incomber à Allah parce que Allah il va te récompenser encore plus parce que tu fais preuve de pardon, tu fais preuve de miséricorde à la personne. Hein? Il mérite d'être exécuté parce qu'il a tué quelqu'un, mais toi, hein, tu lui pardonnes ce crime-là. Donc, par conséquent, Allah il va te récompenser parce que tu as été miséricordieux. Donc, al-qisas, le talion, ou le fait de punir quelqu'un par le crime qu'il a commis lui-même, ça c'est la justice. Et al-afu, c'est fadlun. Hein? C'est un acte de générosité. Hein, et de pardon pour la personne. Donc, ça, c'est encore mieux. Donc, ça rentre dans Al-Ihsan parce que c'est le perfectionnement, hein, du comportement et de la foi ici. C'est un niveau plus élevé lorsque tu pardonnes. Et il dit, c'est meilleur que la justice encore. meilleur que la justice. Si par exemple quelqu'un t'a volé, hein? Quelqu'un il vient chez toi, il vole ton argent, il s'en va. Après, tu l'attrapes. La justice, c'est quoi? C'est qu'il te rende l'argent que il t'a volé. Hein? Et on sait que dans l'islam, il y a une punition pour celui qui vole. Hein? C'est que sa main soit coupée. D'accord? Mais supposons que toi, tu l'attrapes, ce voleur-là, avant qu'il s'en aille. Tu avais le choix d'appeler la police, puis de dire, lui, il a volé chez moi. Mais toi, tu dis, écoute, est-ce que tu as une raison pourquoi tu as volé? Et la personne, elle te dit, ouais, mais j'ai volé parce que j'ai telle raison, parce que j'ai besoin d'argent pour telle chose. Alors toi, tu as de la pitié pour lui, tu as de la miséricorde pour lui. Alors tu dis, écoute, je ne vais pas appeler la police. Hein? Prends l'argent, tiens, je te le donne. Et puis, le voleur, il s'en va. Et puis, tu lui donnes l'argent. Ça, c'est l'ihsan. Ça, c'est encore mieux que de demander la punition pour la personne. Sauf que si, par exemple, deux ou trois fois, tu vois que hein, la personne, elle fait ça chez une autre personne le lendemain, puis chez une autre personne le jour après, là, est-ce que c'est mieux de l'arrêter la prochaine fois ou bien de le laisser continuer? De l'arrêter. Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset, فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. Donc les ulama, ils ont dit, si al-afu produit une réforme, al-islah, dans ce cas-là, c'est mieux. Mais si al-afu, il n'amène pas un islah, dans ce cas-là, c'est pas mieux. Dans ce cas-là, c'est mieux de punir la personne pour qu'elle s'arrête. Peut-être que le fait qu'elle soit punie, ça va lui donner une leçon. Parce que sinon, elle risque de continuer et continuer et continuer. Si cette personne-là, elle fait ça, ça veut dire qu'elle est malade en réalité. Et le remède, c'est qu'elle soit punie pour qu'elle arrête de faire ça. Hein? Inch'Allah. Et donc, le cheikh, il dit donc que l'afou ou l'ihsan, ça c'est meilleur que l'adl. Et il dit Allah ya'muru bil 'adl wa huwa al-qisas min al-mu'tadin wa al-ihsan wa huwa al-'afw min al-mu'tadin wa at-tasamuh. Hein? Et pourquoi l'ihsan c'est meilleur que la justice, la bienveillance et le pardon c'est mieux que la justice parce que ça ramène l'amour. La personne quand tu lui pardonnes et que tu l'excuses pour le mal qu'elle a fait, eh bien elle va t'aimer par la suite parce qu'elle va voir que tu as été miséricordieux envers elle. Tandis que si tu la punis ou si tu demandes qu'elle soit punie, c'est sûr qu'elle va t'en vouloir à cause de ça, même si elle le mérite. Hein? Même si elle le mérite. Et ensuite, le cheikh, il dit, wa kama qala azza wa jal, wa la tastawi al-hasanatu wa la sayyi'ah, idfa' billati hiya ahsan, fa idha alladhi baynaka wa baynahu adawatun, ka'annahu waliyun hamim. Donc ici, le cheikh, il cite un autre verset qui est le verset 24, pardon, 34 dans Sourate Fussilat, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, le bien, la bonne action, n'est pas comparable à la mauvaise. Repousse de la meilleure façon, de la façon qui est meilleure. C'est-à-dire, repousse le mal de la façon qui est meilleure. Si quelqu'un te fait du mal, lui réponds pas par du mal, réponds-lui par du bien. Comme ça, par la suite, il dit, donc si, par exemple, celui entre qui il y a une animosité entre toi et lui, hein, tu lui réponds par du bien, eh bien, il devient comme un ami chaleureux par la suite. Hein? Pourquoi? Parce que, yani, tu lui réponds par du bien. Quelqu'un, par exemple, il est impoli envers toi, ou bien il est impatient envers toi, ou bien il t'insulte, ou il te dit des mauvais mots. Puis toi, tu fais semblant comme si tu ne l'as pas entendu. Puis tu lui dis, Barakallahu fik, assalamu alaikum, comment ça va mon frère? Ah, je m'excuse, je m'excuse. Hein? Là, après, il va se sentir gêné parce qu'il va dire, oh, regarde, j'ai été bête avec lui, j'ai été dur avec lui, et lui, il me répond, il me parle avec douceur, il me parle avec gentillesse. Hein? Donc, il va être gêné, il dit, ah, c'est moi qui m'excuse, je m'excuse. Alors, tu vois, au lieu de monter un cran toi aussi, lui, il t'a insulté, toi, tu le regardes et tu l'insultes toi aussi. Alors là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va t'insulter encore. Et là, au lieu que ça s'arrange, ça va s'empirer. Donc, c'est pour ça ici que Allah, subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset, « Idfa' billati hiya ahsan. » Hein? Repousse par qu'est-ce qui est mieux. Comme ça, l'animosité, elle va s'en aller. Ça va être remplacé par de l'amitié. Hein? Et Le cheikh il dit ensuite, Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba. Al qurba, kullu man turbituka bihim qaraba. Qarabatu rahim, min jihati l'ab, ou min jihati l'um. Lahum haqqun alayk. Qala azza wa jal, wa ati dhal qurba haqqahu, falahu haqqun alayka, ba'da haqqil walidayn. وقد ربك ألا تعبد إلا إياه وبالوالدين إحسانا واعبد الله ولا تشرك به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. فبعد الوالدين القرابة من جهتهما وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لهم حق عليك بالصلة صلة الرحم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. Donc on va traduire ce passage là. Le cheikh explique que ensuite Allah subhanahu wa ta'ala il dit Allah, après avoir dit qu'il ordonne la justice et la bienveillance, la bonté, il ordonne également de donner à ceux qui ont un lien de parenté avec nous, un lien de proximité parce qu'ils sont nos parents, ils ont un lien de parenté. Il y a une parenté qui te relie à eux, soit du côté de ton père ou soit du côté de ta mère. Eh bien, ces proches qui font partie de ta famille, ils ont un droit sur toi. Ils ont un droit sur toi, que tu les aides. Ce n'est pas comme des étrangers. Si c'est quelqu'un qui est étranger à toi, qui n'est pas dans ta famille, tu peux l'aider aussi. Mais s'il fait partie de tes proches et de ta famille, là, c'est obligatoire que tu les aides. Ça fait partie de tes droits, de tes obligations, de tes devoirs. Et c'est-à-dire si tu es capable, si tu as la capacité de le faire. Et il dit, Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset 26 dans surat al-Isra, « وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ » et donne à celui qui a un lien de famille, de proximité avec toi, un lien de sang avec toi, donne-lui son droit. Ça veut dire qu'il a un droit. Et le droit des proches, il vient après celui des parents. Le père et la mère, eux, ils ont le plus grand droit sur toi après Allah. Ton père et ta mère, c'est eux qui ont le plus grand droit sur toi après Allah. Puis ensuite, c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, dans plusieurs versets, dans le Coran, il dit, et ton Seigneur a décrété, il a ordonné que tu n'adores que lui. Et ensuite, il dit, et la bonté envers les parents. Donc la bonté avec les parents, c'est l'ordre qui vient directement après l'ordre du tawhid, l'ordre d'adorer Allah seul. Et dans l'autre verset, qui est le verset 36 dans surat An-Nisa, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, adorez Allah et n'associez rien avec lui, ne faites pas de shirk avec lui en adorant quoi que ce soit d'autre. Et la bonté envers les parents. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Puis ensuite il dit, wa bidhil qurba. Et c'est-à-dire, et ensuite ceux qui ont un lien de parenté avec toi, qui sont tes proches. Donc ça montre que le lien de le proche parent, il a un droit aussi. Donc il dit les proches, ensuite il dit et les orphelins et les pauvres et les proches voisins et les voisins lointains et le collègue et le voyageur et les esclaves en votre possession, car Allah n'aime pas en vérité le présomptueux et l'arrogant. Donc tout ça c'est des exemples du fait qu'il montre que les proches parents, ils ont un lien de parenté. Les proches du côté du père, les proches du côté de la mère, ils ont un lien de parenté avec toi parce qu'ils ont des liens de sang. Et ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, dans le même verset, le verset 90, dans surat An-Nahl, وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغِي يَعِذُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَالْفَحْشَاءِ هِيَ كُلُّ مَا اسْتَقْبَحَ مِنْ كُلْ مَا اسْتُقْبِحَ مِنَ الْمَعَاصِي وَالْفَحْشَاءِ هي المعصية المستقبحة يعني والمنكر سائر المعاصي ينهى عن الكبائر والصغائر من المعاصي والبغي يعني وهو التعدي على الناس في دمائهم أو في أموالهم أو في أعراضهم وهذا بغي وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي فهذه الآية فيها الأمر الشرعي إن الله يأمر بالعدل والإحسان يعني وهذا أمر شرعي ديني. Donc ici le cheikh il explique que يعني الفحشاء, le terme فحشاء c'est tout ce qui est laid, tout ce qui est laid dans les péchés des désobéissances. Vous savez que parmi les péchés que les hommes peuvent faire, il y en a peut-être, il y en a qui peuvent paraître moins laids que d'autres. Il y a des péchés qui sont extrêmement dégoûtants et laids, tandis qu'il y en a d'autres qui peuvent, il y en a paraître moins laids que d'autres. Hein? Mais ceux qui sont vraiment laids, les vrais péchés qui sont, les péchés qui sont extrêmement laids et dégoûtants, c'est ceux-là qu'on appelle al-fahsha. Hein? Al-fahsha, al-fawahish. Et le cheikh, il explique, c'est ça, il dit, c'est les péchés qui sont laids. Tandis que al-munkar, c'est le reste des péchés, que ce soit des grands ou des petits. Et il dit, parmi les choses que Allah a mentionnées dans le verset, après al-fahsha ou al-munkar, il dit wal-bari. Et al-bari, ça veut dire at-ta'addi 'ala an-nas, c'est-à-dire de transgresser contre les gens, faire du tort aux gens dans leur sang, c'est-à-dire tu fais couler leur sang, tu les tues, ou dans leur bien. Hein? Yani soit les tuer, dima, c'est soit que tu les tues ou bien tu les blesses. Hein? Tu peux leur faire du mal. Donc ça, c'est de la transgression contre leur personne. Et contre leur bien, c'est-à-dire de leur voler leur argent, de leur dérober leur argent, ou de leur de leur enlever par force leur argent. Yani, voler, ça peut avoir plusieurs façons. Hein, ça peut être manifesté de plusieurs façons. Voler, il y a le vol qui est fait de façon comme apparente. Il y a des vols qui sont faits de façon subtile. C'est comme par exemple quand quelqu'un il a un magasin puis il triche par exemple. Il vend une marchandise, il écrit par exemple ça c'est 20 kilos, puis après c'est, en réalité c'est pas 20 kilos, c'est 18 kilos. Ça c'est une sorte de vol, sauf que c'est pas un vol qui est aussi apparent. Hein? Quelqu'un peut venir dans la rue, il te sort un fusil ou un couteau, puis il dit donne-moi ton portefeuille, ça c'est un vol aussi. Alors que quelqu'un peut venir, par exemple, chez toi pendant que tu n'es pas chez toi. Il brise la porte, puis il rentre, puis il vole tes affaires. Ça aussi, c'est un vol. Mais c'est une autre sorte de vol, différentes formes de vol. Et toutes ces formes-là sont haram, toutes ces formes-là sont interdites. Hein? Et yani, c'est de la transgression, ça rentre dans al-bari. De même que al-bariu fil a'rad. C'est-à-dire de faire de la transgression en portant atteinte à l'honneur des gens. Hein? Donc, par exemple, le fait de les insulter, le fait de les accuser de péché, comme d'adultère ou des choses comme ça, alors qu'ils sont innocents. Ou bien, par exemple, de faire des actes qui vont porter atteinte à l'honneur d'une femme ou d'un homme. Hein? Que ce soit le viol ou le zina ou des choses comme ça. Donc ça rentre dans al-bari aussi. Et donc tout ça c'est des choses que Allah a interdites. Et donc ici dans le verset il y avait la mention de l'ordre. Ya'muru bil adli wal ihsan. Donc ici il s'agit de l'ordre légal et religieux et non pas de l'ordre ici dans le qadar. Hein? Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il ordonne al-adl wa l'ihsan. Mais est-ce que tout le monde applique al-adl wa l'ihsan? Non. Il y a des gens qui l'appliquent, il y a des gens qui ne l'appliquent pas. Wa alaykum salam. C'est pour ça. C'est ça la différence entre al-amr al-kawni wa al-amr al-shar'i. Al-amr al-kawni, ça se produit, il n'y a personne qui peut l'empêcher. Hein? C'est obligatoire que ça arrive et c'est automatiquement quand Allah il l'ordonne, ça c'est. Tandis que l'amr al-shar'i, il l'ordonne par sa révélation par son livre. Hein? C'est comme ça qu'on l'a dit. Hamad, tout va bien? Ok. Wa qala ta'ala inna Allah wa alaykum salam inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. Donc ici le cheikh il mentionne un verset qui est le verset 58 dans sourate An-Nisa dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit certes Allah ordonne hein, il vous ordonne de rendre les dépôts à ceux à qui ils appartiennent. Hein? Les dépôts, c'est les gages que quelqu'un nous a laissés hein, pour qu'on s'en occupe pour eux. Ou bien, al-amana, le pluriel c'est amanat. Donc, al-amana, ça peut comprendre toute chose que Allah nous a confiée ou qu'une autre personne nous a confiée, une responsabilité ou un objet ou une chose ou quelque chose qui a de la valeur que quelqu'un nous a laissé pour, comme responsabilité ou comme gage pour qu'on s'en charge pour eux à leur place. Donc, tout ça, ça rentre dans al-amanat et ça fait partie des choses qui sont extrêmement importantes. Hein? Et comme pour vous donner des exemples d'amana, par exemple, on peut dire que quelqu'un, par exemple, il a une somme d'argent. Supposons que... Et ça, maintenant, c'est devenu même presque al-amana. Les gens, ils le transmettent, ils le traduisent toujours par de l'argent parce que c'est ça la forme de amana qui est la plus courante, c'est l'argent. Hein? Donc, quelqu'un, par exemple, il dit, bon, toi, tu t'en vas, par exemple, en voyage, tu t'en vas dans tel pays et lui, il a quelqu'un là-bas dans ce pays-là, il a besoin de lui transmettre quelque chose ou de lui donner quelque chose. Alors, il vient te voir, il dit, écoute, j'ai une amana, si tu peux la rendre à telle personne. Hein? Donc, il te donne l'argent, il dit, bon, ça... Hein, il te donne une enveloppe, il dit cette chose-là, ça c'est une amana. Si tu peux, quand tu arrives là-bas, tu la donnes à telle personne. Hein? Donc si toi tu prends cette amana et tu dis ah bon j'ai de l'argent, yani, je vais l'utiliser pour moi. Donc tu arrives là-bas, au lieu de rendre l'argent à la personne, tu prends l'argent puis tu dis ah mais je m'excuse, je l'ai perdu. Hein? Donc ça c'est mentir. Et dans ce cas-là, tu n'as pas respecté l'amana. Tu n'as pas respecté l'amana. Dans le sens de l'amana, il y a le sens d'être honnête, d'être fiable, d'être juste, hein? D'être amine. Donc, le cheikh, il explique ce verset-là. Il dit donc, Allah vous ordonne de rendre les dépôts à ceux à qui ils appartiennent. Et lorsque vous jugez entre les hommes, de juger en toute justice et... il dit ensuite, attends, c'est le verset 58 dans Sourate An-Nisa, on va regarder la traduction. Tu l'as? Amène-le. Inna Allaha ni'ma ya'idhukum bihi. Il dit quelle bonne exhortation que Allah vous fait. Naam. Inna Allaha ni'ma ya'idhukum bihi. Quelle bonne exhortation qu'Allah vous fait. Allah est certes en vérité celui qui entend et qui voit tout. Hein? Et le cheikh Al-Fawzan, il dit Inna Allah, inna al-amr al-shar'i al-amr bi-ada al-amanat ila ahliha. Inna Allah ya'murukum ayyuha al-ibad an tu'addu al-amanat wa hiya kullu ma stu'mintum tu'mintum alayhi min haqqillahi aw min haqqil makhluqin fa huwa amana. Donc, par exemple, c'est pas seulement l'argent qui est une amana. Il peut y avoir aussi des amanas dans le sens que tout ce que Allah nous a ordonné d'accomplir et de respecter, ça rentre dans l'amana. Il y a un verset dans Sourate Al-Ahzab dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit Inna aradna l'amanata ala samawati wal ardi wal jibali fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha l'insan. Donc, ça c'est un verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne qu'il avait présenté l'amana aux cieux. Et aux montagnes et yani, à la terre et aux montagnes et elles ont refusé cette amana. Cette amana c'est quoi? C'est taklif shar'i, l'ordre de mettre en application les ordres de la religion en échange du paradis. Hein? Parce que les cieux et la terre ils ont vu la charge hein, et la responsabilité, et ils ont vu la gravité de la punition pour celui qui ne le fait pas. Tandis que les êtres humains, eux, ils ont regardé la récompense et ils ont dit oui, dans ce cas-là, hein, ça vaut la peine. Hein. Et ils ont pris cette amana. Sauf que est-ce qu'ils sont capables de le respecter, l'amana? Ça, c'est autre chose. Et il y a aussi l'amana, donc les actes d'adoration que Allah nous a chargés, c'est une amana. Même le ilm, c'est une amana. Tout ce que tu as, hein, c'est une amana. Tu dois le respecter. Même tes enfants, c'est une amana qu'Allah t'a donnée. De bien les éduquer, de bien t'en occuper, et ainsi de suite. Toutes ces choses-là rentrent dans l'amana. Et il peut y avoir donc l'amana dans le sens que Allah t'a chargé de cette amana aussi les créatures quand il te donne une amana, et ainsi de suite. C'est obligatoire pour toi de respecter ça et de les rendre à ceux à qui l'amana appartient. Alayka, il dit, Yajib alayka an tu'addiha ila ahliha alladhina tamanuka alayha wa la tabkhas minha shay'a. Tu ne dois rien en dérober, tu ne dois rien prendre de cette amana. Tu dois la rendre comme on t'a demandé. Voilà ta khunfiha. Tu n'as pas le droit non plus de trahir l'amana. Hein? On t'a fait confiance. Ne trahis pas la confiance que les gens ont mis en toi, hein, dans ces choses-là. Wa idha hakamtum bayna an-nas an tahkumu bil 'adl. Wa ash-shahid qawluhu inna Allaha ya'murukum wa hadha amrun shar'iyyun dini. Donc ici, Allah il dit quand vous jugez entre les gens, de juger avec la justice. Et c'est ça qui est le point témoin dans le verset, c'est Allah vous ordonne. Donc c'est l'ordre qui est religieux. Hein? Donc on va s'arrêter ici pour ce cours aujourd'hui, Inch'Allah. Et on a terminé donc en ce qui concerne Al-Amr. Et au prochain cours, demain, Inch'Allah, on regardera la signification de Al-Izn. Al-Izn. Donc la permission. Al-Iznul Kauni ou Al-Iznul Ash-Shar'i. Alaykoum salam. Donc vous allez voir cet exemple-là demain, puis possiblement d'autres termes aussi. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin.